Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le Canada et les Autochtones. Monsieur le Président, je me lève aujourd'hui pour présenter nos excuses aux anciens élèves des pensionnats indiens. Le traitement des enfants dans ces pensionnats est un triste chapitre de notre histoire. Le premier ministre Stephen Harper, le 11 juin 2008 à la Chambre des communes à Ottawa, ce dossier, le dossier des pensionnats autochtones, est probablement l'un des premiers dossiers qui nous vient en tête quand on pense aujourd'hui à l'histoire de nos relations avec les Autochtones. Ce triste épisode de notre histoire va être l'un des trois sujets qu'on va aborder dans cette émission. Nous parlerons aussi de la cruelle opération de déplacement de familles inuites du nord du Québec dans le cercle polaire canadien durant les années 50, de même que de la mythique bataille de Batoche en 1885. Dans le cadre de notre série d'émissions entourant le 150e anniversaire de la Fédération canadienne, le Canada et les Autochtones. Coaticook, Mazaklan, Manitou, Mégantic. Manouan, Ivoujivik, Maskouche, Maniwaki. Saskatchewan, Shipshot, Matawan, Windigo. Kamouraska, Timiskaming, Kopan, Shibugamo. Que notre terre était grande, chanson interprétée par Chloé Sainte-Marie, une chanson qui rappelle à quel point cet héritage amérindien est présent dans notre toponymie. Pour explorer ce très vaste thème du Canada et des Autochtones, trois invités avec moi en studio. D'abord, Brian Gettler, qui est historien et professeur d'histoire à l'Université de Toronto. Brian Gettler, bonjour. Bonjour. Marquise Lepage, cinéaste, qui a réalisé le film documentaire Martha, qui vient du foie. Vous avez réalisé ça en 2009. Marquise Lepage, bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Et Serge Bouchard, un habitué que vous connaissez, habitué de notre antenne, que vous retrouvez à l'émission C'est fou, anthropologue, grand connaisseur de la question autochtone. Serge Bouchard, bonjour. Bonjour. Premier tour de table sur ce grand thème, le Canada et les Autochtones, c'est vraiment un très, très vaste thème. Qu'est-ce que ça évoque chez vous quand on parle de ce thème, Brian Gettler? Ça évoque tout simplement, je dirais, la dépossession territoriale et la résistance, la force des peuples autochtones face à ce processus-là. Et ça évoque tout simplement l'histoire du Canada dans son ensemble. Sans les Autochtones, il n'y a pas de Canada. Il n'y a certainement pas d'histoire du Canada. Et une histoire qui sera, on le verra bien sûr, assez tumultueuse, merci. Marquise Lepage, qu'est-ce que ça évoque, ce thème-là, le Canada et les Autochtones, quand on vous parle de ça d'emblée? Oui, des possessions des terres et de leur identité, beaucoup. Oui. Les Canadiens parlent des Amérindiens comme s'ils étaient des étrangers. Moi, ça me fait toujours frémir, je me dis... Mauvaise connaissance, beaucoup de préjugés aussi, je pense, beaucoup, encore aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de racisme. C'est fou, on dit, oh, ils ne payent pas leurs taxes, ils font ci, ils ne payent pas les comptes. Alors que la plupart travaillent très fort et essaient, comme tout le monde, de gagner leur vie tout à fait honorablement et de faire grandir leurs enfants dans un lieu propice. Mmh. Serge Bouchard, est-ce que cette relation trouble qu'on continue d'avoir avec les Autochtones, ça ne vient pas en bonne partie du fait que, dans le cadre fédératif canadien en tout cas, ça commence très mal avec la loi sur les Indiens, avec quelqu'un qui s'appelle Johnny Macdonald et qui est le premier ministre canadien. Oui, parce que au moment de la Confédération, les Premières Nations font pas partie du plan. C'est pas le programme, c'est pas le Canada. Donc on les exclut en partant. Ils sont pas là, ils vont disparaître. Alors faut pas oublier que toute la politique canadienne a été fondée sur l'idée de disparition des Indiens. Ils allaient mourir, ils allaient disparaître, ils allaient s'évanouir. The vanishing race. Dès le départ. Dès le départ. Et toute la politique des ministères des Affaires indiennes jusqu'en 1945 a été pour effacer la présence amérindienne dans la réalité sociologique, historique, mais aussi dans la mémoire des Canadiens. Oui. Parce que c'est vrai ce que Brian dit, il n'y a pas d'histoire s'il n'y a pas d'Autochtones, mais en même temps, dans l'histoire du Canada, il n'y a pas d'Autochtones. Alors, c'est quand même un paradoxe extraordinaire. Nirawasi, Nirawasi, Nirawasi, Nirawasi, Nirawasi, Nirawasi, Nirawasi, Nirawasi. La comptine Frère Jacques, mais vous l'aurez remarqué, chantée par des jeunes élèves d'un pensionnat autochtone dans leur langue d'origine, pensionnat qui se trouvait en Abitibi, dans cet extrait qu'on entend. Une chanson, évidemment, qui nous permet, parce que ça dit déjà beaucoup, de glisser sur cette réalité assez horrible des pensionnats autochtones. C'est un des dossiers, d'ailleurs, qui a refait surface récemment. Quand on pense aux dossiers autochtones, je le disais, celui-là, ce dossier des pensionnats, nous vient assez facilement et rapidement en tête. Deux petits chiffres, c'est à peu près 150 000 enfants au total qui fréquenteront ces pensionnats. À l'apogée de ces pensionnats dans les années 30, il y en aura en même temps sur le territoire canadien à peu près 80 pensionnats. Brian Gettler, mais ça commence avant ça, Brian. Quand est-ce que ça commence et dans quel contexte on crée ces premiers pensionnats autochtones? Ouais. Ça dépend ce qu'on entend par pensionnat autochtone, ouais. Évidemment. Moi, je dirais que ça remonte au tout début du projet colonial français, en fait. En Nouvelle-France? En Nouvelle-France. Donc, les Recollets arrivent dans la colonie en 1615 et 5 ans plus tard, ils lancent leur premier pensionnat, leur première tentative d'éduquer les Autochtones. Ouais. C'est suivi par la suite par les Jésuites et les Ursulines surtout, qui font les mêmes choses tout au long du XVIIe siècle, avant de constater en fait que c'est un échec. Ouais. Un échec parce qu'on n'est pas capable de faire des petits Français, des enfants autochtones. Parce que c'est un objectif, clairement. Oui, l'idée à la base, c'est de faire des Français pour par la suite les convertir en catholiques. En fait, c'est les deux ensemble. Ouais. Évidemment, si on vit sur le territoire, c'est pas très utile d'apprendre à lire et écrire. C'est la vie autochtone au XVIIe siècle ne convient pas très bien à une éducation formelle. Donc ça, c'est une première tentative avec un échec à peu près total. Puis ça revient dans le cadre canadien, au moment de cette fameuse politique là, de 1885, c'est ça? C'est difficile à dire. En fait, on va parfois commencer avec 1879. C'est un rapport d'Avin, rapport sur les pensionnats aux États-Unis, qui est commandité par Johnny MacDonald, justement d'un membre junior du caucus conservateur qui, lui, il trouve que les pensionnats américains, c'est la réponse à la soi-disant question autochtone. Donc, ça se fait déjà aux États-Unis. Oui. Mais ça, en fait, c'est... disons qu'au Canada, ça existe déjà. Il y a des pensionnats dans ce moule depuis le début du 19e siècle. Et dès le départ, Nouvelle-France, certainement, mais même au 19e siècle, les gouvernements, évidemment, vont être derrière ces pensionnats, mais les communautés religieuses, tout ce mélange, cette équipe, elle est toujours présente? Oui, ça vient en fait du début du 19e siècle, à l'après de la guerre de 1812. L'Empire veut dépenser moins d'argent, tout simplement. Il veut couper les dépenses et il trouve un partenaire tout à fait prenant chez les églises qui veulent payer pour s'occuper des Autochtones, qui veulent faire part. Donc, on parle d'un partenariat privé-public déjà à l'époque. Bon, évidemment, avec le recul, on sait bien le tort, puis on va en parler dans un instant, le tort que ça va causer à ces pensionnats aux communautés autochtones. Mais au départ, pour comprendre, au fond, essayer de comprendre quel objectif poursuivent les gouvernements, mais les communautés religieuses aussi. Est-ce qu'il y a dans tout ça une espèce de bonne intention au départ? Je propose d'écouter le père Maurice Grenon du pensionnat Saint-Marc de Figuerie à au micro de Raymond Charrette, on est en 1957. Alors, ce que vous envisagez ici, c'est une solution à longue échéance, en agissant d'abord sur l'enfant plutôt que sur l'adulte. Il se fait du travail à l'échelle des adultes, il y a une formation, une éducation des adultes qui se fait, mais nous croyons avoir plus de résultats si nous travaillons, les missionnaires, et si le gouvernement nous aide à travailler dans ce sens, dans l'éducation des enfants dans un pensionnat indien. Nous avons certainement plus de chance parce que, à cet âge de 7 et 16 ans, l'enfant est plus souple et nous avons plus de chance de lui donner l'éducation nécessaire pour s'adapter à ce nouveau milieu qu'il aura lorsqu'il sera adulte. Nous recevons ces enfants-là qui n'ont jamais vécu dans des maisons où la majorité ont vécu sous des tentes. Donc, lorsque nous recevons ces enfants-là, il y a d'abord la question de la pauvreté, la question de l'hygiène, la question aussi de la politesse. Et nous avons comme méthode d'amener surtout l'enfant de lui-même à aimer ces choses-là. Nous n'imposons pas des choses strictement de règlement, mais nous essayons d'amener l'enfant à aimer le règlement, à aimer l'ordre, pour que ça vienne de lui-même, et le résultat est beaucoup plus appréciable. Alors, évidemment, avec le recul, ça laisse pantois ce qu'on vient d'entendre, mais essayons de comprendre un peu, d'entrer dans la tête du père Maurice Grenon, l'objectif derrière tout ça. Est-ce qu'il y a une forme de bonne volonté au départ? Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi l'objectif, Brian Gettler? Je pense que, d'ailleurs, cet extrait-là, ça illustre bien et à la fois l'horreur et les bonnes intentions. Ouais. Alors, l'objectif à la fois, c'est assez simple. C'est qu'on veut préparer, soi-disant, les Autochtones à la vie économique coloniale et par la suite nationale, et aussi de les convertir. C'est très colonialiste, c'est mais au fond, l'idée, c'est de les aider à s'intégrer. Mais ça veut dire à devenir de bons petits Canadiens qui sont de moins en moins autochtones, finalement. Tout à fait. Il importe quand même de préciser que ce qu'on fait en tant que formation qu'on offre aux Autochtones, c'est surtout une formation manuelle. Donc, ce n'est pas la formation pour devenir élite de la société canadienne. C'est vraiment pour devenir bonne, pour devenir travailleur manuel. Ça nous dit quoi, Serge Bouchard? Êtes-vous encore horrifié quand vous entendez ces choses-là? En même temps, il y a un contexte de l'époque. Mais ça nous dit quoi sur ce contexte de l'époque? Ben, il y a aussi des intentions cachées. Il y a la religion, évidemment. Il y a l'idée de faire disparaître la diversité culturelle totalement. C'est-à-dire, on n'a aucun respect pour leur langue, aucun respect pour leur être. On entend là, qu'il faut qu'ils soient propres, comme si les tentes étaient malpropres. Donc, c'est un paquet de gens malpropres. Et on veut aussi tuer le nomadisme au Canada et dans les forêts laurentiennes à cette époque. Dans les forêts laurentiennes, c'est l'expansion de l'exploitation forestière. On ne veut plus d'Indiens dans le bois et on ne veut plus de nomades parce qu'ils ne font pas partie du plan. Il faut les sortir du bois. On sait que cette nouvelle génération, ça va être des travailleurs, comme dit Brian. Ça sera des bûcherons, ça sera des obéissants, ça sera des travailleurs. Ça ne va pas être des docteurs en philosophie. On les forme même à obéir, au fond. Je reviens à ce que le père Grenon disait. Tout à fait. Et on est à oublier qu'ils font partie d'une culture, et à oublier leur identité, à oublier surtout leurs parents et le territoire. Donc, c'est l'extraction du territoire. On veut les sortir du territoire, on les prépare à une vie sédentaire. Mmh. Ils seront Canadiens comme tout le monde. Et ça, c'est l'obsession du gouvernement jusqu'en 1969, au Livre blanc. Bienvenue au Canada. Vous êtes des Canadiens dans le monde du Canada. Oui. Il faudrait dire aussi l'expansion territoriale de l'État. C'est pour l'exploitation forestière et minière aussi dans l'après-guerre. C'est accompagné par l'expansion de l'Église. Oui. Et l'Église veut être dotée des choses qu'il faut avoir pour être des diocèses propres de ce nom. Et des pensionnats font partie de ça. Comment ça se passe dans ces pensionnats? Comment se passe la vie dans ces pensionnats? On écoute le témoignage d'Edmond Malek à l'émission Portrait en 1979, suivi du commentaire de Marcel Petitquet au Téléjournal du 21 janvier 2013. À quel âge vous êtes allé au pensionnat, vous? Moi, j'ai commencé à aller à l'école à 9 ans. Puis comment vous avez trouvé ça, l'école? C'était peut-être moins dur pour nous autres, mais c'était plus dur pour les parents. Parce qu'ils nous laissaient là, pour 10 mois de temps. Là. On partait au mois de septembre, puis on revenait juste à la fin de juin. Mais les parents, je me rappelle, moi, surtout les femmes, quand on partait, là, tout le monde sur le quai de l'attachement des parents, ça pleurait. Pour eux autres, il y avait des grands là-dedans, peut-être 14-15 ans. Là. Nous autres, on était plus jeunes, mais c'est nous autres, on était contents d'embarquer sur le bateau. C'est quand on arrivait au pensionnat, là, c'était pas un chenot, c'était pas pareil. Ça parlait français. Les frères et les sœurs, on savait pas ce qu'ils nous disaient. Quand je suis parti pour la première fois pour le pensionnat, ma mère préparait avec soin ma petite valise. J'avais 6 ans pour ce premier voyage. Ça a été un voyage, pour l'âge que j'avais, je ne sais pas combien d'heures, mais ça a été très, très long. La journée de l'arrivée au pensionnat, c'était la séance de dépouillage. C'est-à-dire qu'ils nous coupaient les cheveux. On nous obligeait à parler français, puis je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient des fois. Puis là, quand on ne comprend pas, c'était un coup de pied dans le derrière ou bien une claque en arrière de la tête. Il ne fallait pas qu'on parle notre langue. Parfois, il y a des surveillants qui Ils venaient nous réveiller pour aller à la messe, puis il venait nous réveiller, puis il mettait tout le temps sa main dans nos parties pour nous réveiller, puis quasiment à chaque matin. Là. À quoi ressemble la vie dans ces pensionnats, Brian Gettler? Ben, la plupart de la journée, en fait, est dédiée à deux tâches, l'enseignement religieux et surtout le travail. Le travail de faire fonctionner le pensionnat. Mmh. Donc, à faire le ménage, à faire la cuisine. Et ça a duré un tel durée qu'en fait, les étudiants étaient, pour chaque 2 ans qui passaient au pensionnat, c'était une année scolaire dans le programme scolaire habituel. On a souvent des témoignages des étudiants qui finissent le secondaire dans la vingtaine. Les abus. Le deuxième témoignage nous parle de... Bon, les corrections. Est-ce qu'il y en a beaucoup de corrections physiques, agressions sexuelles? Oui. Les corrections physiques, c'est très similaire à la société canadienne dans du temps. Où c'est plus dur. C'est mais je dirais que c'est encore plus poussé parce qu'il n'y a personne là, vraiment pour défendre ces enfants-là. Des milieux isolés, fermés. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps aussi, ça devient en fait des foyers d'accueil pour des enfants qui n'ont peut-être pas de famille. Donc même si... on pouvait y aller pour parler au personnel de l'école. Il n'y a personne pour faire ce travail-là, pour aller protéger ou défendre les droits des enfants. Les cas d'agression sexuelle dont on a beaucoup parlé, est-ce que c'est à ce point répandu? Oui, il y a un excellent exemple dans les années 1930 dans l'école de Shubenacadie en Nouvelle-Écosse où il y a une épidémie de syphilis. Ah oui. Et c'est à la fois chez les filles et les garçons, mais les filles et les garçons étaient complètement séparés. Alors, c'est très peu probable que ça venait d'eux. Ça venait probablement du directeur de l'école qui, en même temps, se faisait traiter pour de façon très discrète à l'hôpital local pour une maladie non nommée. Donc, souvent, lorsqu'on essaie d'étudier ces choses-là, on a le témoignage des survivants. Et très peu d'autres choses. Parce qu'on va parler dans les archives, on va dire comme on en a parlé au téléphone. Et puis on donne pas le sujet. Quel impact, évidemment, puis il y a eu une commission d'enquête, il y a eu des excuses, on entendait le premier ministre au début de l'émission, mais quel impact ça va avoir, ces pensionnats, auprès de ceux qui y seront passés, mais plus que ça, dans les communautés autochtones, Brian Gettler? Ben, je pense que l'extrait qu'on a entendu le dit très bien. Imaginons un village qui, tout d'un coup, n'a plus d'enfants. N'importe quelle ville ou village sans enfants, c'est pas une communauté, ça. Les enfants font partie intégrale de la communauté. Et on commence, je pense, à comprendre les séquelles que ça peut avoir. En plus des séquelles des gens qui, par la suite, vont rentrer dans les communautés, qui, eux, n'ont pas appris à être parents, à être papa et maman en voyant leurs parents. Faire le travail. Il y a des enfants donc qui subissent cette entreprise d'acculturation dans les pensionnats. Puis parallèlement, Serge Bouchard, il y a des communautés qui sont en pleine dissolution. Ben, c'est-à-dire, ils sont en pleine... Les communautés d'origine. C'est ça, ils sont en pleine sédentarisation. Parce que quand des enfants sont partis, quand on a entendu les petits-enfants chanter à Saint-Marc, c'était Saint-Marc de Figuerie qu'on entendait. C'était des petits algonquins qui chantaient en algonquin, en Anishinaabe. Et puis, on entend là, des Innus qui disent « Mais nos parents pleuraient. » Alors, c'est les parents qui vont subir le choc. C'est des nomades, c'est des trappeurs, c'est des chasseurs professionnels. À partir du moment où il n'y a plus d'enfants, ils se sont sédentarisés. Et parallèlement aux pensionnats, des derniers pensionnats, là, on parle des pensionnats plus récents, des années 50, 60. Parallèlement, au Canada, on a construit des réserves indiennes partout, dans le Nord, des réserves modernes, neuves, des maisons neuves. Et là, les parents changeaient de mode de vie, de nomades à sédentaires, c'est-à-dire, dans le cas qui nous occupe, oisifs. Leurs enfants sont détruits, eux sont détruits, la communauté est détruite. Et là, ça créait une réserve indienne. Quand les enfants revenaient, ne savent pas être parents, ne sont pas des citoyens, on est dans l'oisivité totale. Mm-hmm. Puis on n'a pas parlé de la négligence systémique dans les pensionnats canadiens pendant tout le 20e siècle. Tout le temps, on se plaint, on écrit, il y a la tuberculose, il y a la maladie, mauvaise alimentation, sévices physiques, ça va mal chauffer. C'est mal chauffé. Et Duncan Campbell Scott, qui a été longtemps sous-ministre adjoint aux affaires indiennes, a été insensible toute sa carrière jusqu'en 1930-quelques, insensible aux demandes. Mm-hmm. Parce que lui, en 1920, avait fait une déclaration qui est restée célèbre. Notre travail, nous, comme fonctionnaires, va être terminé quand il n'y aura plus un seul Indien au Canada. Ouais. Brian Gettler. Et il faut dire que dans les années 30 et 40, donc juste pour mettre en contexte historique, au même moment que les nazis, le nazisme monte en Allemagne, on tire bénéfice, on tire profit de ces conditions pitoyables dans les pensionnats pour étudier les faits de malnutrition, des faits de tuberculose sur les étudiants. Ils deviennent des cobayes vivants. Absolument. Ça se termine, un petit mot, mais qu'est-ce qui fait que ça finit et quand est-ce que ça se termine, ces pensionnats? Ça se termine, c'est un très long mort, ça prend très longtemps en fait. Ça commence après la Deuxième Guerre, où on commence à vouloir justement transférer la responsabilité d'éducation autochtone vers les provinces. Mais ça prend du temps. Et dans certaines régions, notamment le Québec, on est en pleine expansion à ce moment-là. Tout au long des années 50 et 60, on a des militants qui poussent, surtout les années 60, ouais. Comme on connaît bien, avec le papier rouge, entre autres. Et les années 60 et 10, le gouvernement fédéral décide finalement qui veut transférer l'autorité au conseil de bande. Mais ça prend encore plus de temps. Et les derniers ferment au début des années 90. Certains appellent ça le toit du monde. D'autres, le pôle Nord. C'est là, à Grisfjord, dans le lieu habité le plus au nord du Canada, que j'ai grandi. Ma famille et moi, nous y sommes venus lorsque j'étais toute petite. Comme ça fait de nombreuses années, certains de mes souvenirs sont fragmentaires, mais d'autres sont extrêmement précis. C'est comme ça que je vais vous raconter mon histoire, avec des chapitres plus éclairés et quelques zones d'ombre. Extrait de la bande-annonce du film « Martha qui vient du froid » réalisé par Marquise Lepage en 2009. Ce documentaire-là, Marquise Lepage, raconte ce terrible déracinement des familles inuites du nord du Québec qui vivent en bordure de la baie du Tson vont être déménagées, mais à des milliers de kilomètres plus au nord, dans le cercle polaire, dans le Haut-Arctique. Ça se passe dans les années 50. Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu faire un film de ça? Pourquoi avoir voulu raconter cette histoire-là? En fait, au départ, j'étais absolument, totalement, comme la plupart d'entre nous, ignorante de cette histoire. C'est en rencontrant Martha Flaherty qui m'intéressait, en fait, comme documentariste parce qu'elle était la petite-fille de Robert Flaherty, celui qui a fait Nanook of the North. Ouais. Et je voulais un peu comprendre l'histoire de son passage au Canada et me raconter son histoire de sa famille, de son village, dont plusieurs familles avaient été déracinées d'Inukjuak, pour se retrouver plus de 2000 kilomètres plus au nord. Et je trouvais que son histoire était vraiment passionnante et j'ai un peu oublié mon idée de base. Bon, j'en parle dans mon film de Robert Flaherty, mais c'est juste pour souligner un peu l'ironie que les descendants de Robert Flaherty, qui est celui un peu qui a fait connaître les Inuits à travers le monde, connaître leur force, le peuple extraordinaire qu'ils sont, qu'ils aient autant souffert. Puis d'une certaine façon, j'ai l'impression que c'est un peu à cause de lui aussi, parce qu'on voit à quel point ce peuple-là est extraordinaire dans son film. Mm-hmm. Et d'ailleurs, les fonctionnaires de l'époque qui ont décidé du déracinement, de la délocalisation, mm-hmm. comme ils disaient, il y a juste les Esquimaux, comme ils les appelaient à l'époque, qui peuvent vivre dans un tel froid. Oui. Parce que déjà, Inukjuak, qui fait pas mal froid. Oui. C'est, la moyenne en janvier, c'est moins 20. Mais dans le nord, c'est moins 31, moins 35. Et on ne calcule pas le facteur vent oui. rendu là. Alors, c'est très, très froid. Et surtout, c'est un univers complètement différent. Donc, C'est Martha, donc, qui elle-même donc, a vécu cette réalité, qui vous a... D'ailleurs, il y a des stigmates encore de ça, parce qu'il y a eu une telle utilisation, une telle manipulation de ces communautés. On a envoyé ces familles pour des raisons... Ça sera établi plus tard pour des raisons politiques, d'occupation du territoire. On veut garder, établir une souveraineté canadienne dans des zones pratiquement inhabitables. Mais j'allais dire, il y a une manipulation des autorités canadiennes de ces familles-là. Ce qui fait que Martha, quand vous lui dites « Je veux faire un film sur cette histoire-là », elle est très méfiante parce que vous êtes, au fond, vous êtes une blanche. Vous représentez tout ça, tout ce passé de manipulation. Oui, et elle veut absolument rien savoir de moi. Oui. mes premières rencontres avec Martha, c'était très, très dur pour moi, mais en même temps, je comprenais extrêmement bien sa méfiance. Mais comme je suis un être déterminé, pour pas dire têtu, j'ai continué à m'informer, puis, je revenais régulièrement à la charge auprès de Martha. Et elle a dit, OK, fais ton film. Mais en fait, moi, ce que je voulais, c'est le faire avec elle. Parce que justement, qu'elle s'y investisse, oui. Puis que pour une fois, on ait vraiment le regard des Inuits. Ouais. Qu'on n'ait pas encore une blanche ou un blanc qui raconte l'histoire des autres. Moi, je voulais qu'elle écrive avec moi et qu'elle me raconte elle-même sa vie. Alors, racontons-la, cette histoire-là, qui est vraiment horrible. La meilleure façon, le meilleur point de départ pour comprendre ce qu'ont vécu ces Inuits, c'est d'abord de parler, Marquise Lepage, de leur vie et de leur environnement avant qu'ils ne partent. Oui. À Inukjuak, c'est une petite ville, un petit village, mais quand même assez organisé. Il y a une église, il y a une école, il y a des employeurs. D'ailleurs, le père de Martha travaille pour la station météorologique d'Inukjuak. Ils ont des maisons. Mm-hmm. Ils vivent pas dans des igloos. Ils vivent pas sous la tente tout le temps. Oui, ils vivent sous la tente quand ils vont à la chasse, à la pêche. Ils sont semi-nomades, comme on dit. Et là, il y a des agents de la GRC qui arrivent, qui cognent aux portes et qui disent « Bon, ben voilà, il n'y a pas assez de gibier dans la région. Il faut qu'on prenne des familles puis qu'on les amène ailleurs. Puis cet endroit-là qu'on a choisi pour vous, c'est un endroit merveilleux. Il y a beaucoup, beaucoup de gibier. Vous allez pouvoir vendre de la fourrure en plus. Vous allez revenir riche. Et puis si jamais, jamais vous n'aimez pas ça, ce qui nous étonnerait fort, vous pourrez revenir au bout de 2 ans. » Donc ça, c'est la promesse, les promesses, en fait, qui sont faites à ces Inuits. Donc, il y a quelques familles. Ça se passe dans les années 50. Il y a comme 2 vagues, en gros. Il y a quelques familles, quoi, une dizaine de familles qui vont être dépêchées là-bas. Qui partent en 53. Et ça se passe en bateau, en fait, traversée. Avec le Sidi Howe, qui est un gros bateau, un brise-lace, qui les amène là-bas, qui les déporte. Et une des promesses aussi qu'ils avaient faites, c'est qu'ils ne sépareraient jamais le groupe de départ. Or, sur le bateau, ils leur ont dit, alors que c'était une des choses auxquelles ils tenaient le plus, c'est de ne pas être séparés. Mm-hmm. Parce que les Inuits vivent en communauté. Ils s'entraident. Et si tu chasses puis tu t'attrapes un caribou, tu le partages. Parce que le lendemain, c'est un autre qui va apporter un phoque, etc. Il faut qu'ils vivent ensemble. Sinon, dans les endroits où ils vivent, ce serait impossible sans la communauté. Donc, de se retrouver encore séparés, divisés. Ils ont déjà une première division, c'est-à-dire ils sont séparés de leur famille qui sont à Inukjuak, de leur communauté. Là, ils partent une dizaine de familles, puis ils décident de séparer ce groupe-là en deux. Puis, totalement arbitrairement, OK, toi, tu vas là, des frères, des sœurs qui sont séparés. Et il en débarque une gang à l'île d'Esmer, donc qui vont faire la petite communauté de Grispierre, et l'autre sur l'île Cornwallis qui va devenir qui est Resolute Bay. Et pour les deux groupes, ce sera le même choc, en fait. On écoute le témoignage de Larry Odlaluk. Il avait 3 ans au moment des événements. Extrait de l'émission Boréal Hebdo du 9 décembre 91. Il décrit, en fait, comment ça se passe quand ils arrivent. When they landed, there was no house available. Quand ils ont accosté, il n'y avait pas de maison disponible. Il n'y avait pas de matériel pour faire une maison. Alors, ils ont été forcés de vivre sous la tente, spécialement le premier hiver. Le gouvernement a été assez bon pour donner des pots de buffalo, Mais les pauvres pots qu'ils nous ont donnés ne nous permettaient d'isoler que les trois quarts de la tente. Nous avons dû trouver d'autres moyens pour l'isoler. Donc le premier hiver, c'était sous la tente parce que la neige n'était pas assez épaisse pour faire des igloos. La température dans la région de Grease Fjord varie habituellement entre 38, 40 et 45 degrés Celsius sous zéro. On a des températures comme ça pendant 4 bons mois. Alors cette terre promise, cette terre qu'on leur avait promise, c'est un enfer de glace. Un enfer de glace, effectivement. D'ailleurs, les deux endroits, il y en a un qu'ils appellent Adjoutouk, puis l'autre, j'ai oublié le nom en Inuktitut, mais un, ça veut dire l'endroit qui ne fond jamais, et l'autre, c'est l'endroit hostile. Alors, c'est pour dire à quel point ils ne comprenaient pas où ils étaient atterris. Et c'était vraiment un univers de glace et de cailloux. Oui. Et il y avait de la neige qui tombait, mais il y a tellement de vent dans ces deux endroits-là, à Resolute Bay en particulier, elle ne s'accumule jamais. Et c'est pour ça qu'ils n'étaient pas capables de faire des igloos qui auraient pu les protéger un peu plus. Mmh. Alors, non seulement le premier hiver, mais en fait, les deux premiers hivers, il n'y avait aucun moyen de se protéger des froids épouvantables dont il parle, moins 40, sous une tente. Ça ne devrait pas tenter à personne ici. Absolument. Et puis, il y a une dimension supplémentaire qui est culturelle, c'est-à-dire que le territoire et la culture sont pour les Inuits intimement liés. Donc, le choc va être très, très grand. On écoute à ce propos-là Louis-Edmond Hamelin qui en parle à l'émission en direct en janvier 92. Vous allez voir, c'est intéressant. On vous revient tout de suite, Marquise Lepage. Je ne suis pas allé en 1953, mais j'ai vu les familles quelques années après, à la fois à Resolute Bay et à Grease Fjord. Ce qui était difficile, c'est deux choses. Premièrement, Somme l'Inuit, c'est un homme qui connaît parfaitement son terrain. Il connaît chaque caillou, il connaît chaque rivage, etc. Et les déplacer comme ça dans un autre milieu, les Esquimaux, ça m'avait donc, on les appelait les Esquimaux dans ce temps-là, les Inuits avaient donc perdu ce contact-là qui leur est absolument essentiel pour pouvoir vivre, chasser, pêcher, etc. De sorte que là, il y avait quelque chose de très dur au plan, somme des cultures locales. La deuxième chose, c'est que ces Inuits de Inukjuak, dans le Nouveau-Québec, n'avaient jamais connu la nuit polaire. Or, ils arrivaient à ce Resolute Bay avec à peu près 120 jours de nuit polaire par an, et cela a fait un choc extraordinaire à un Inuit, autant somme qu'à un Blanc. Un choc complètement gigantesque et immense, Marquise Lepage. Oui, absolument, parce qu'en plus, ils les débarquent au mois d'août, donc au début de l'automne, la fin août. Et là, commencent les journées à raccourcir d'une façon terrible et à arriver jusqu'à la nuit polaire. Donc, 3 mois de noirceur où, non seulement ils ne connaissent pas le territoire, puis là, chasser dans le noir, dans un territoire que tu ne connais pas. Mm-hmm. Et c'est une île avec plein de dangers. Donc, tu ne peux pas t'aventurer dans des montagnes la nuit. Et ils avaient pas de piles, ils n'avaient pas de moyens d'éclairer. Donc, c'était terrible pour les chasseurs qu'ils étaient et les bons pourvoyeurs qu'ils étaient, parce que comme tout bon père, les Inuits, c'était une de leurs fiertés de rapporter du gibier, de faire nourrir la famille. Et non seulement ils sont morts de faim pour plusieurs, mais il y avait toute la fierté qui était partie aussi, parce qu'ils se sentaient nuls de ne pas être capables de nourrir leur famille. Alors, il y a beaucoup de cas de folie de gens qui sont devenus complètement déprimés. Et la lumière aussi, il devait leur manquer. Il y a une réalité qui est vraiment horrible. Il y a le mensonge, il y a la manipulation par l'État canadien. Serge Bouchard, parce qu'encore une fois, on leur dit qu'il va y avoir pénurie de gibier. Tout ça, c'est né que balivernes. On veut occuper le territoire. Ça nous dit quoi, Serge, sur... est-ce que c'est un des pires épisodes dans notre histoire avec les Inuits, les Amérindiens, les Autochtones? J'écoutais Marquise, puis je voyais toute la question de l'Ouest canadien quand les autorités se présentaient, les autorités, les fonctionnaires, les autorités, la police se présente et dit la situation. C'est universel. Partout dans le monde, les empires coloniaux ont manipulé les populations locales et leur ont compté des balivernes. Mais il faut voir ce que c'est que d'arriver un policier, puis un fonctionnaire, puis dire, il y a du gibier là-bas, 2000 kilomètres au nord. Et on vient d'entendre une histoire d'horreur. Alors, c'est plus que des excuses qu'il faudrait. Il faudrait se mettre à genoux puis monter l'oratoire Saint-Joseph 8 fois. Il y en a eu des excuses. Comme premier ministre. Est-ce que c'est important quand même, ces excuses-là? Je pense que oui, bien sûr. Mais symboliquement, c'est très important. C'est important. Ça ne répare pas. Mais la vraie raison, c'était la souveraineté canadienne dans l'Arctique. Mais qu'est-ce qui est dans l'esprit d'un fond tordu, d'un fonctionnaire ou d'un groupe de fonctionnaires dans un des bureaux de dire « Ces gens-là, on les envoie là-bas ». Ça veut dire qu'on n'a aucun respect pour eux. Exactement. C'est comme une expérience avec des animaux, des cobayes, comme on disait tout à l'heure pour les pensionnats. Exactement. C'est pas vraiment des humains. Donc, on peut les séparer de leur famille, c'est pas grave. Ils n'auront pas froid, il ne fait pas vraiment noir. C'est des Inuits. Ils vont revenir quelques secondes. Mais c'est l'ignorance aussi, parce que je pense que les gens qui ont choisi cet endroit-là ne savaient même pas les conditions vraiment dans lesquelles ils allaient. Ces fonctionnaires. Ils vont revenir une vingtaine d'années plus tard. On leur a promis qu'ils pouvaient revenir 2 ans après, mais quand ils ont demandé de revenir, on leur a dit non, là, il faut vous payer votre retour si vous voulez revenir, ce qui était impossible puisqu'il n'y avait pas de boulot, il n'y avait rien pour gagner de l'argent dans cet endroit-là. C'était les obliger à rester là encore des années. Il y en a finalement certains qui ont réussi avec l'aide de leur famille d'Inukjuak à rentrer. Quelques années plus tard, mais la plupart ont été, c'est comme un emprisonnement à vie, ils ont été là 20 ans ou 30 ans, et c'est seulement dans les années 80 que le gouvernement a accepté de redéménager les gens qui avaient déplacé où ils voulaient, dans le sud. Et là, c'était effectivement un nouveau choc, parce que là, les petites communautés de Rézolotbé puis de Grisfjord ont été encore une fois déchirées. Les enfants qui étaient nés là-bas, eux, c'était à leur tour d'être déracinés. Donc, et rendus à Inukjuak, ben ils n'étaient pas nécessairement bienvenus. On termine cette émission parce que elle tire déjà à sa fin avec notre troisième séquence. En fait, on va revenir un petit peu au début de l'histoire de la Fédération canadienne avec cette fameuse bataille de Batoche en 1885. On écoute un extrait de reportage de Louis Lemieux le jour de l'inauguration du Parc national de Batoche en mai 1986. Ça fait, je suis certainement fier d'y être capable de dire que je suis encore un descendant et un représentant des Métis de 85. Batoche, c'est donc un symbole, une sorte de plaine d'Abraham pour les Métis. Et le Parc historique national ici, c'est la garantie que ce symbole vivra. Et c'était d'autant plus important que 100 ans après la pendaison de Louis Riel, il n'en reste plus beaucoup de vrais Métis. Ici Louis Lemieux, à Batoche. Serge Bouchard, ça représente quoi pour les Métis, Batoche et cette bataille de Batoche? Mais c'est un grand symbole, mais c'est vrai que c'est une défaite. Hein? C'est la fin. C'est terminé. Le Canada peut procéder. Le Saskatchewan peut exister. L'Alberta va exister. La Colombie-Britannique. Sans égard aux Premières Nations, sans égard aux Métis, à l'égard des Métis. Bien sûr, on dit toujours qu'il y a eu des traités avec les Premières Nations, le traité numéro 6 dans la région de Batoche. Les traités canadiens n'ont jamais été respectés par le gouvernement canadien. On a beau dire ils ont signé des traités, mais immédiatement, ils ne les ont pas respectés. Les Métis, eux, c'était pire parce que personne ne les considérait. McDonald, le premier ministre, ne voulait pas les considérer comme un peuple. Alors, ça n'existait pas, donc on ne parle pas à ces gens-là. Mais ces gens-là étaient établis. Alors, ils défendent leur terre, ils défendent la configuration de leur terre, qui sont rectangulaires, un peu comme les Canadiens français au Québec. Et les Anglais arrivent avec leur carré, leur township. Et l'arpentage va se faire, on va les déloger, on va prendre leur pays. Il n'existe plus. Alors, ils décident d'une résistance armée. En même temps que les Premières Nations de l'Ouest, les Cris, les Assiniboines, mais surtout les Cris, sont en train de se révolter aussi. Mm-hmm. Alors, il y a un risque de jonction entre les deux, et il va y avoir plusieurs batailles. En fait, Batoche, c'est une bataille, mais il y en a eu 5 ou 6, hein, dont des victoires. Dont certaines victoires. Gabriel Dumont va avoir des victoires contre l'armée canadienne, la milice canadienne. Mais Batoche, ça va être la dernière. Vous avez des batailles en mars, vous avez des batailles en avril, vous avez des batailles en mai. Et la dernière, ça va être Batoche, où 300 Métis seulement, contre 900 miliciens canadiens. Mais le gouvernement canadien avait envoyé 5000 hommes. 5000 hommes contre 300 Métis. Mais 900 sont présents. Il y avait eu à Batoche la première rébellion et McDonald se dit cette fois-là en Saskatchewan. On ne va pas les rater. Il y a un général britannique, il y a toujours des généraux britanniques quelque part, mais il y a un général britannique qui se présente Et puis, on va se battre contre les 300. Et on est très surpris de la résistance des Métis. Ça va durer 3 jours. Les Métis sont mal armés, ils sont mal préparés, mais ils auraient pu gagner si on avait écouté. C'est quand même drôle dans l'histoire, si on refaisait l'histoire. Gabriel Dumont était un rusé, fin renard. En fait, on aurait dit un loup des prairies. Mmh. Il voulait attaquer l'armée canadienne au train du Canadien Pacifique. Il voulait, au moment où ils descendent, les tuer et ensuite faire la guérilla comme on tue des bisons. Oui. Et il avait réussi. Il avait réussi à faire ça à Lac-au-Canard. Il avait réussi ça à gauche et à droite. Mais Riel ne voulait pas de sang. Alors, ça a toujours été l'ambiguïté de Louis Riel. Louis Riel veut se battre, veut défier, fait des pétitions. C'est un politicien, il parle beaucoup. Oui. Et puis, il y a ses idéologies religieuses. Mais il passe pas à l'action. Tandis que Dumont, à côté, lui, c'est un homme qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. D'ailleurs, c'est intéressant, Gabriel Dumont ne parle pas anglais. Mm-hmm. Il parle 7 langues. Il vit 69 ans au Canada et il ne parlait pas anglais. Ouais. Et, alors, c'est quand même incroyable. C'était une vraie bagarre avec des morts, 25 morts à peu près de chaque côté. Ouais. Mais 3 jours. Trois jours de résistance. Et après ça, c'est terminé. Voilà. Après ça, c'est terminé. Il n'y aura plus de résistance dans l'Ouest. Ouais. Et évidemment, vous le dites bien, il y a deux leaders. Il y a Riel, qui est le grand leader. On va le rechercher, d'ailleurs, aux États-Unis, là, parce qu'il y a cette autonomie. On veut un gouvernement provisoire en Saskatchewan. C'est parce qu'il sait lire, il sait écrire et il parle bien. Voilà. Mais il est de plus en plus, donc, habité par toutes sortes de par la dimension religieuse, j'allais dire par toutes sortes de voies. Une des grandes questions quand on parle de la bataille de Batoche, parce que Dumont voulait pas que ça se passe comme ça, c'est Riel qui gagne, ce qui fera qu'il perdra au bout du compte. C'est ça. Mais une des grandes questions, c'est dans quel état d'esprit, dans quel état est Louis Riel quand on parle de cette histoire-là. Je vous pose la question dans un instant, mais écoutez, deux points de vue qui se complètent, qui sont intéressants. L'historien Francescois André Lalonde à l'émission Les Matins de la Fête en 85, suivi du métis Médric McDougall à l'émission Le Point, également en 1985. Et le comportement de Louis Riel, le fait qu'ils avaient des apparitions, etc., même sur le champ de bataille, lorsque ça allait mal, il y a un métis qui est allé voir Riel, puis lui a dit « Hey, Louis, dépêche-toi, là, c'est le temps d'avoir notre miracle. » C'est pour dire que jusqu'à la dernière minute, eux croyaient fermement que Riel pouvait communiquer avec l'au-delà et avait des pouvoirs surnaturels. Lui-même, j'ai l'impression, croyait que l'au-delà allait intervenir pour leur donner gain de cause. Ils m'ont toujours dit que Louis Riel, même à la bataille, il rôdait avec son crucifix, puis dans une carabine, ça fait pas de l'air qu'il avait envie de tuer ben du monde. Je m'imagine que les métis sont pas tout assez fous de suivre un fou. Ça fait, si Louis Riel avait été fou, je pense pas que les métis, ils l'auront suivi comme qu'ils l'ont fait, puis qu'ils auront eu confiance en lui autant comme qu'ils ont eu confiance. Ça fait, ça se peut qu'il y a des fois qu'il y avait des drôles d'idées un peu, mais je dirais pas que Louis Riel était fou. S'il avait été fou, pourquoi est-ce qu'ils l'ont pendu? Aujourd'hui, ils nous disent qu'un fou, on ne prend pas ça. Puis ils l'ont pendu. Dans quel état est Louis Riel au moment de ces événements de Batoche, Serge Bouchard? C'est intéressant parce qu'il y en a un qui dit, l'historien Francescois dit, effectivement, il n'est plus tout à fait là, mais le métis qu'on vient d'entendre qui dit, ben écoutez, on ne l'aurait pas suivi aveuglément. On ne le saura jamais, évidemment, parce qu'il faudrait tout refaire le chemin, puis l'interviewer, avoir un diagnostic. C'est certain que c'était un prophète, dans le sens qu'il avait un charisme qui faisait qu'on pouvait le suivre, parce que... On le croyait. On le croyait. Il avait un grand ascendant. On le voit depuis 1870, il avait un grand ascendant. Il savait, il était articulé, il savait lire, il savait écrire, très intelligent. Et puis, les métis, ça faut lire, ça faut écrire. Faut pas... Tu sais, Gabriel Dumont, il est comme ça, lui. Il admire Louis Riel, il admire Louis Riel. Louis Riel aurait pu, en retour, admirer Gabriel Dumont. Gabriel Dumont, il avait dit en 1870, je sais qu'on ne doit pas en parler, mais on va en parler, mais 2 secondes, avait proposé 500 guerriers autochtones à Riel en 1870. Il y a presque eu tous les Autochtones de l'Ouest avec lui, Gabriel Dumont. Il y avait des bonnes relations, mais ce n'était pas des intellectuels. Riel, c'était l'incarnation, c'était un personnage. Et effectivement, ce n'était pas un grand stratège. sur le plan militaire. Ouais. C'est tout. Ça s'est passé très vite. 3 jours. Et Gabriel Dumont disait à Louis Riel, nous ne devons pas nous retrancher à Batoche parce qu'on va être coincés. Nous sommes des chasseurs de bisons. Un chasseur de bisons, ça se promène à cheval, ça tire à cheval, ça apparaît, ça disparaît. Et puis, on peut les avoir en étant inattendus. Tu sais, mais la vraie guerre probablement qu'il aurait réussi. Mais c'est Riel qui décide. Et ils vont perdre cette bataille. Ce sera la fin, vous le disiez. Ce sera la fin pour Riel aussi. Ça va le conduire à l'échafaud. Et plusieurs cris, 2 Assiniboines, 6 cris vont être pendus. Louis Riel aussi. Ce qui en dit déjà pas mal aussi, la fin de Riel, le sort qu'on lui réserve. Parce qu'il y a un procès, mais on ne recommande pas la pendaison de Riel. Non, il est pas, on recommande la clémence. En voilà. Parce qu'on a compris que c'est terminé. Bon, il ne va pas revenir une troisième fois. Mais il y avait un aspect symbolique qu'il fallait en finir. Il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a la hargne, la colère des gens comme McDonald qui détestaient cette diversité dans l'Ouest, ce grouillement dans l'Ouest. Et ces chefs crient gros ours, petit pain, one arrow, une flèche. C'était des gens qui pouvaient mettre l'Ouest à feu et à sang. Et ça a passé tout proche. Alors, mais eux, c'était des Indiens et des Métis, donc des sous-hommes. Encore une fois, on revient toujours à la même chose. Ouais. C'était des sous-hommes et il fallait vraiment avoir un symbole, dire, là, c'est vraiment terminé. Le Canada de l'Ouest va être... Mais ça aura des suites quand même, Brian Gettler. Politiquement, c'est la fin de quelque chose, mais McDonald va en profiter pour... récupérer ça politiquement. Oui, tout à fait. Il va utiliser ça pour enfermer en fait les autochtones, les Amérindiens dans les réserves dans l'Ouest. Même si ils sont sympathiques la plupart à l'égard des Métis en 85, ils participent pas massivement à Batoche ou à d'autres batailles. Il y en a qui participent, mais c'est pas énorme. McDonald le sait très bien, mais il en profite pour dire, OK, c'est fini, on a fermé la frontière. Parce qu'il faut pas oublier non plus ce qui se passe juste au sud de là, aux États-Unis, en ce moment-là. C'est des guerres, et c'est des vraies guerres qui se passent. Et McDonald, il ne veut pas ça. Marquise Lepage, qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette histoire terrible aussi? On est vraiment dans la mélodie du bonheur aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Ben, ça illustre que ça n'a pas beaucoup changé, parce que c'est la même histoire en 1950, les préjugés, la violence, le racisme, obliger la scolarité d'une telle façon, de penser que notre pas est meilleur que tous les autres, et ne pas respecter la diversité, comme c'est. Mais ce qu'on discute pas assez, puis on n'a pas le courage de le faire nationalement, à l'échelle nationale. Un jour, on le fera, ça s'en vient d'ailleurs, on va le faire, c'est le racisme. John A. McDonald était un raciste de haut niveau. C'est-à-dire, c'est pas un petit raciste, là. Il était pas mexicain. C'était la race aryenne. Le Canada devait être blanc. Il détestait les Indiens, les Métis. Les Chinois. Et les Chinois, et les Noirs, et tout ça. Et les Slaves, même. Puis les Canadiens Pacifiques vont les faire venir quand même. Mais c'est le racisme qui gouverne, qui est la politique canadienne. Donc, il y a un mépris pour des gens sans importance. Et ces gens sans importance seront les Chinois du chemin de fer, seront... Et alors, quand on dit les Indiens, bien sûr, les Métis, et quand on parle de diversité, la valeur des langues autochtones en 1885, là, c'était quoi, là? Le cri, conserver le cri, conserver la Assiniboine, conserver la diversité linguistique. Un petit mot, Serge, vous êtes allé sur le site de Batoche. L'extrait du reportage qu'on entendait, Louis Lemieux, a été fait le jour où on a inauguré ce site national. Qu'est-ce qui reste de tout ça dans nos mémoires? Officiellement, quand on est là, c'est quoi le message qu'on reçoit quand on est sur ce site de Batoche? C'est un lieu national, hein, c'est consacré, ça avait été ouvert. On arrive avec le grand panneau qui est en anglais et en français, bilingue. Mais le panneau n'est incapable de dire c'est quoi Batoche. Puis ça, c'est officiellement, c'est le message du gouvernement canadien. Il n'est pas capable de dire, d'écrire, voici une lutte juste des Métis pour leurs droits. Ils ont été battus ici. On les a écrasés ici. On peut pas dire ça. On dit Louis Riel, traître ou héros. Un jour, on remet ça plus tard. Et puis quand on est à Batoche, quand j'y suis allé, ça a donné comme ça. Il n'y avait pas un chat. J'étais tout seul. J'étais au cimetière, j'étais seul. seul avec le silence, la Saskatchewan, la rivière Saskatchewan, le cimetière, l'église et le presbytère, les trous de balles et la tombe de Gabriel Dumont et la tombe du métis Ouellette, le plus vieux et ouais. le dernier qui a été tué sur le site avec une balle dans le front. Il avait presque 90 ans. Il y avait le choix entre le CHSLD ou mourir sur place. Il a choisi de mourir sur place. Dernier tour de table sur... évidemment, ça passe vite, une heure sur ce thème, sur un thème aussi vaste. De quoi d'autre aurions-nous aussi pu parler dans cette émission, Brian Gettler? Ben, je pense le territoire, comme j'ai évoqué au début. Mais on aurait pu aussi parler de ce qu'on pourrait appeler l'autochtonisation des non-autochtones. L'histoire canadienne comme façon de récupérer l'imaginaire du territoire et de vider les autochtones, comme Serge a parlé au début, de cette histoire. Oui. On n'en parle pas et on se met à leur place, ah oui. comme étant nés du on sol. On se prétend, nous, autochtones, territoire. En fait. Et voilà. Marquise Lepage. Ben, on aurait pu parler d'effectivement beaucoup de choses, mais comme le suggérait Serge, moi je me dis qu'il faudrait parler maintenant de ce qu'on doit faire oui. dans le futur avec tout ça. Juste pour me faire un petit autopromo de ce qui a suivi Martha qui vient du froid, qui est un site qui s'appelle Ikaou Mabara. Et c'est justement un bel endroit pour faire une réflexion de ce qu'on a fait, de ce que la séparation, puis toutes les répercussions qu'il y a encore jusqu'à nos jours. Parce que c'est pas les suicides plus grands que nulle part ailleurs dans les communautés inuites. C'est pas un hasard. Ouais. Puis c'est pas seulement à cause d'eux. C'est beaucoup à cause de nous, c'est-à-dire les Blancs. Qu'est-ce qu'on leur a apporté à part des maladies? Une acculturation, des vols de territoire, puis du mépris, on ne leur a pas apporté grand-chose. Et là, actuellement, on est en train de développer aussi le Nord, le plan mm-hmm. Nord. Et moi, je pense qu'il faut que tout le monde, on se pose des questions de pas seulement qu'est-ce qu'on peut prendre du Nord, mais qu'est-ce qu'on peut leur donner. Serge Bouchard, qu'est-ce qu'on aurait aussi pu évoquer dans cette émission? Vous avez quelques secondes, Serge. Résilience et renaissance actuellement. Moi, j'ai malheureusement une page Facebook. J'ai 5000 amis. C'est Jean-Philippe Lowe de C'est fou qui m'a fait ouvrir ça. Là. Je ne sais pas si vous avoir ça, un fou. Et puis, qu'on salue. Mais en même temps, j'ai 5000 amis, puis 4000, c'est des Autochtones. Ouais. Et puis, donc, je suis très, très au courant sur le fil Facebook de tout ce qui se passe chez les Autochtones. Et quand on est à l'écoute, ça veut dire qu'ils sont là. C'est incroyable ce qui est en train de se produire en éducation, en fierté, en renaissance. Il y a un retour. Là. Ils sont en train de revenir. Et c'est très beau à voir. C'est très beau. Et de guérir. Et ouais, ça, c'est beau aussi. Et nous aussi, on doit faire ce pas-là vers eux parce que peut-être dans la culpabilité, ça ne donne rien à personne. Il faut qu'il y ait un échange qui se construise, une construction. C'est ça. Ben, on va c'est en train de se faire. Puis ça va se faire si on est optimiste. Ben, on va terminer sur cette note positive et optimiste. Ça va se faire. Mais moi, il ne me reste pas grand temps. Serge Bouchard, merci d'avoir pris un peu de temps pour nous aujourd'hui. Anthropologue, animateur de l'émission C'est fou. Marquise Lepage, cinéaste, réalisatrice du documentaire Martha qui vient du froid. Et Brian Gettler, professeur d'histoire à l'Université de Toronto. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Martin Boulanger. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Que notre terre était grande.